conduite, observation, le temps qui passe. D'abord, dans la réalité. Le présent, c'est aujourd'hui. Le jour avant, c'est hier. Et le jour après, demain. Maintenant, dans l'histoire, le présent, c'est un certain jour, disons. Le jour avant, la veille. Et le jour après, le lendemain. Le 28 mai est la veille du 29 mai. Et le 30 mai est le lendemain du 29 mai. Si aujourd'hui c'est le 29 mai, hier c'était le 28 mai. Et demain, ce sera le 30 mai.